de la rendre heureuse sur la caisse enregistreuse. Here comes the pain, here comes the pain. Et mesdames et messieurs, bienvenue dans Here Comes the Pain. Je suis Nelson, aka Red Dog, et je suis de retour avec tous mes amis. Hein, l'élite du forum 4 de jeuxvideo.com est de retour pour ce magnifique podcast. Sans plus attendre, je vous présente mes amis. Le premier, le grand, le magnifique, Fully Loaded. Bonjour Fully. Bonjour. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy était assassiné à Dallas. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mai 2013 et les circonstances de sa mort restent un mystère. Je pense que nous pouvons appeler ça le mystère Kennedy. Je dis oui. Je dis oui. Bonjour Siegfried. Salut. Ça va bien? Bien et toi? Ça va, écoute, je suis content d'entendre ta voix. Moi aussi, je suis content d'entendre, tu m'as manqué. Depuis un mois, je pleurais tous les soirs en manquant ta voix. Bah, j'ai plus à parler, voilà, c'est magnifique. Nous sommes aussi avec le chauve obèse, Fatman de Catch. Bonjour. Yes. Salut les fans de Catch. Ravi de vous retrouver. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, notre invité cette semaine. Ah, je suis un invité? Ben oui. T'es un invité, oui. Cette semaine, tu es un invité. Ouais, un invité. Donc, notre invité, vous le connaissez sûrement pour ses goûts bizarres, pour ses avis qui défraient la chronique, pour son fameux et inimitable... Pour son t-shirt. Voilà. Pour son t-shirt jaune. Pour son fameux et inimitable t-shirt jaune. Mesdames et messieurs, Electronique 91. Yo. Comment on va? Ça va bien, et toi? Et d'ailleurs, moi, je suis pas invité du tout. Hein. À chaque édition, vous allez m'avoir sur le cul. Hein. Ouais, c'est ça. Tu sais que c'est moi qui ai le bouton pour te bannir. Tu sais. Je sais, mais bon, t'es mon pote, donc voilà. Ouais. Attends. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'on n'est pas content du tout. On a reçu zéro mail. J'ai un t-shirt jaune, putain, en plus. J'avais oublié de le signaler. J'ai vraiment un t-shirt jaune, là. Donc, on a reçu zéro mail. Les seuls mails que j'ai reçus depuis la création de la boîte, c'est tension entre Zlatan Ibrahimovic et Leonardo le soir du titre. Je sais pas pourquoi j'ai reçu ça, mais ce n'est pas un mail d'auditeur. Nous sommes très très déçus. Bientôt, on aura Zlatan dans l'émission, très bientôt. On aimerait que vous participiez à l'émission de manière électronique. Donc ouais, s'il vous plaît, envoyez-nous des mails. Ou alors, si vous voulez pas nous envoyer des mails, vu qu'on est dans le monde du social media, réseaux sociaux. Voilà, merci, des réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me tweeter, at Nel Pereira, N-E-L-P-E-R-E-I-R-A, hashtag Here Comes the Pain. Ah, quel escroc. La vieille technique pour avoir des followers gratos, non mais... Non, pas du tout. C'est juste que les gens qui veulent pas envoyer des mails, ils peuvent me tweeter avec plaisir. Non, tu n'augmenteras pas ton nombre de followers grâce à l'émission, sur le dos de l'émission, je refuse. J'ai déjà 1 million de followers, de toute façon. Et donc, mesdames et messieurs, le sommaire de cette émission aujourd'hui. Donc, comme nous sommes en mai, nous avons tout d'abord le pay-per-view du mois, qui était donc Extreme Rules. Donc nous allons reviewer ça tous ensemble. Ensuite... Donc je précise que ma participation à l'émission va être totalement inutile puisque je n'ai pas vu Extreme Rules. J'ai vu en live les deux premiers matchs que j'ai à peine suivis. Je me rappelle de deux gros porcs qui se tirent avec une ceinture et qui touchent des coins avec des lumières, j'ai rien compris. Putain, cette stipulation est débile, putain. C'est n'importe quoi cette stipulation, c'est vraiment nul. Donc ensuite nous allons parler d'autres feds. Donc, je sais pas de quoi on va trop parler parce que y a pas eu grand chose à regarder ce mois-ci. Donc, voilà, j'ai pas grand chose à parler, mais voilà, on a électronique. Donc, on a électronique. Électronique 91, il va nous dire. Voilà, exactement, l'expert. Ouais, mais je l'ai pas regardé depuis des siècles, donc. On va parler d'un truc du show à Bercy, de ce que j'ai compris. Oui. Fatman aura quelque chose à dire sur ça. Red Dog Story, c'est ma chronique, donc cette fois j'ai quelque chose à dire. Puisque j'ai un show bientôt. Ah bah là, je pourrais au moins t'accompagner, tu vois, parce que là, au moins, j'ai un truc à raconter au moins. Donc voilà, moi et Elec, on va en parler vite fait. Ensuite, on dirait que Fatman veut faire un coup de gueule, donc apparemment. Donc Fatman, dis-nous. Non, mais tu l'as déjà dit, en fait, c'était pour Bercy, mais c'est pas grave. Ah, bon, bah voilà. Ensuite. C'est pour la politique du gouvernement ou pour le catch? Je sais pas encore qu'on va avoir au dernier moment. D'accord, ça risque d'être super intéressant. Donc passons directement à Extreme Rules. C'était donc dimanche dernier, le 19 mai 2013. Et donc tous les matchs étaient extrêmes. Non, c'est pas vrai, parce que l'opener n'était pas extrême. Donc. Si, c'est vrai. C'est extrêmement chiant. J'allais faire la blague. Lol. Ouais, pareil, je parle même. Dégoûté. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. L'opener était pas boring. J'ai une blague similaire avec TNA Sacrifice. Non, mais je suis pas d'accord. Ça, chaque année, on l'a fait. Saka TNA Sacrifice. Non, mais laissez-moi. Pardon. Non, Saka, c'est rien avec Saka TNA. C'est genre, j'ai fait le sacrifice de regarder la TNA, tu vois. Voilà. Ouais. Donc, bref, non, sérieusement, je refuse de dire que ce match était chiant parce que. Il y avait quelque chose de magnifique dans ce match, quelque chose qui rend le match impossible d'être chiant, c'était Summer Rae. Et donc, non. Summer Rae, elle a deux atouts extraordinaires. Oui, c'est ça. Non, j'allais dire ses jambes, moi, d'ailleurs. Donc, bon, ouais. Mais, ouais, genre. Non, c'est vrai, j'allais dire ses jambes, elle a des jambes magnifiques. C'est vrai que Nelson est connu pour faire dans la subtilité, ouais. Je trouve qu'elle a vraiment des jambes magnifiques, là, quand elle danse et tout, avec lui, donc... Mais avant toute chose, est-ce que quelqu'un a vu Cody Rhodes quand le mise dans le pré-show? Moi j'ai pas vu en fait. J'ai essayé de le voir et le lien a bloqué. J'ai vu le moment où les trois tocards qui parlent autour de la table, j'ai pas vu le match. Ouais, ils avaient un. Bientôt il y aura un débat sur le changement de chemise de Wade Barrett. Ouais, c'est vrai, ils avaient les experts comme ça tous habillés. Donc mais c'est vrai que c'était bizarre ce truc de changement de chemise. Pour ceux qui n'auraient pas vu, donc tout le monde était habillé en costard genre pour des experts. Il y avait Mick Foley, Tyson Hill et Wade Barrett. Et Wade Barrett avait les mains entourées de... comment on peut dire ça? Entourées de bandages. Voilà, entourées de bandages. Bandées. Voilà. Ouais, je voulais pas le dire. Voilà, bandées, les mains bandées. Il bande. Très drôle. Donc ouais, il est prêt à combattre. Et en fait, Tyson Hill est d'ailleurs... Pourquoi foutre Tyson Hill dans les experts. En parlant de bandé, Tatu Sony, et lui, il le met sur Twitter, c'est encore mieux. Ouais, bon, bref, donc Tatu Sony, pourquoi fout Tatu Sony? Pourquoi est-ce qu'il aurait pas le droit? Voilà. Ça, c'est de la série. C'est parce qu'il est. Ça sent le racisme, hein, je vais pas être. Voilà. C'est pour la diversité ethnique. Ouais, bah, je pense que c'est pour ça, parce que le mec, il faisait pas grand chose là. Donc, ouais, Wade Barrett dit qu'il l'habille comme ça, parce qu'on a Extreme Rules et on sait pas quand la baston peut arriver jusqu'à lui. Et que quand elle arrive, il sera prêt. Donc moi, je croyais qu'il allait avoir un match, mais... Dès là, on voit quand même une grande qualité d'écriture de la part de la WWE. Ouais, c'est ça. Moi, je croyais justement qu'il allait avoir un match, mais justement, pendant le show, le mec se change, en fait. Et donc, on arrive dans le show principal, et on remonte les experts. Et là, Wade Barrett n'est plus du tout en t-shirt et avec les mains bondées, non? Il est en chemise et en pantalon, comme tout le reste. Et donc, ouais, c'était bizarre. J'ai pas compris pourquoi le mec était habillé comme ça avant. Super. Donc ouais, c'est très intéressant. Je pense que c'est une conspiration sioniste. Exactement, ouais, c'est... Faut appeler Alain Soral. De la Villardière ou je sais pas quoi. Donc ouais, The Miz a battu Cody Rhodes avec la figure fort. Et on s'en branle, voilà. Vous savez que le Zimbabwe, avant, s'appelait la Rhodésie. Et ouais. Que ça tient son nom d'un mec qui s'appelait Cecil Rhodes. Peut-être un parent éloigné de Cody Rhodes, on ne sait pas. Nous mènerons l'enquête. Et quand Cody Rhodes fait de la musculation, ça devient le Colosse de Rhodes. Le Colosse de Rhodes. Pas mal, pas mal. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais le père de Cody Rhodes, il s'appelle Roots Poussiéreuse. Dusty Rhodes. Ah ouais. Donc, ouais, voilà, c'est bizarre. C'est génial. Et tu sais que The Undertaker, c'est le Fossoyeur. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est l'entrepreneur aussi. C'est pas pareil, c'est que The Undertaker... C'est fait exprès qu'il s'appelle The Undertaker. Je crois pas que Dusty Rhodes, il a fait exprès de s'appeler Route Poussiéreuse. Ah non, c'est vrai. Bon, enfin, bref. C'est comme Terry Funk, quand il pense, c'est à chier comme nom, tu vois, mais... Bref, moi, l'opener Chris Jericho contre Fandango, je m'en souviens plus. Donc, plus du tout. Donc, je vais vous laisser parler. Que du botch de la première à la dernière minute. C'était dégueulasse. Alors, ouais, il y a du botch, mais le match, enfin, il est pas super phénoménal, mais... De jour en jour, j'ai l'impression que Johnny Curtis est super bon dans le ring. D'ailleurs, ça me fait chier de l'admettre, en fait. Pourquoi ça te fait chier? En fait, je peux pas encaisser la gimmick, donc du coup, ça me fait chier de dire qu'il est bon quelque part. Je veux pas faire mon rageux, hein, mais... Bah, un peu, quand même. Non, moi je trouve qu'elle est bien. Ouais, un peu électronique, là tu nous dis que t'es pas rageux, mais en fait un peu là quand même. Un peu quand même, mais c'est juste parce que j'aime pas la gimmick en fait. Mais moi je trouve que la gimmick justement elle est super bien faite, je trouve qu'il la joue super bien la gimmick. Ah non, elle est réussie, elle est super bien réussie, elle est vraiment faite à la perfection, mais je trouve ça chier. Moi je trouve qu'il a vraiment une gueule, enfin, et je trouve qu'il est crédible même avec cette gimmick. C'est clair, ça aurait pu être un truc genre Rico, tu sais. Je trouve qu'il est vraiment crédible quand il a vraiment une tête de bon danseur, mais qui peut... Non, le problème de Fandango, c'est que le truc où le public chantait, j'avais l'impression que ça n'a pas trop bien pris, alors qu'avec Kurt Angle, ça avait pris direct. Donc ouais, moi je prends ça comme ça, c'est que le mec c'est un super bon danseur, mais que quand il est sur le ring, bah il peut quand même te casser la gueule. Il est... Je trouve qu'il est crédible, quoi. C'est pas seulement une danseuse tarlouse, c'est un bon catcheur qui est aussi un super bon danseur de tango, ou quoi que ce soit. Donc c'est comme ça que je le prends, moi. Si t'arrives à le prendre, c'est très bien, bravo. Siegfried, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Je m'en souviens pas vraiment non plus, c'était pas forcément marquant, c'était relativement chiant. Commencer le show qui s'appelle Extreme Rules par un match où est-ce qu'il n'y a aucune règle spéciale, c'est quand même assez absurde. J'aurais bien aimé un truc qui rajoute des situations à la con, au moins histoire de faire genre. Bref, une merde pas intéressante, bien made in WWE, bref. Moi aussi j'ai trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas de match à stipulation pour commencer, je sais pas, au moins un match hardcore normal. Ou un dance contest au pire, je m'en fous alors. Ouais voilà, au moins un match hardcore normal ou un truc comme ça, mais voilà, c'était bizarre. Et non, moi j'ai pensé à un false count anywhere. Ouais voilà, ça c'est pas mal quand ils font les false count anywhere et ils vont dans les backstage et tout, c'est assez intéressant, ça c'est marrant d'ailleurs. Ça n'a pas été fait ce soir-là en plus. Ouais, pas du tout. J'ai une petite anecdote sur John Cena, donc vous savez tous, c'est un catcheur connu évidemment. Ah bon? Et en fait, il a participé à d'autres sports. C'était un ancien joueur de rugby, en fait. il a joué pendant le tournoi Destination. Putain, c'est nul! Putain, c'est nul à chier, sérieux. Ah, c'est le rire comme The Pain, là, putain. Putain, sérieux, si vous voulez insulter Fouli, envoyez-nous un mail ou un tweet. Ou... Parce que c'est vraiment, oh, je peux plus. Putain, c'est vraiment affreux, cette blague. Elle était rigolote, celle-là, quand même. Bref, deuxième match, c'était incroyable, c'était un orgasme pour moi, je bondais, je pleurais au même temps, puisque mon chéri, mon amour, mon John Moxley à moi, c'est-à-dire Dean Ambrose, que j'adore depuis toujours, depuis que je le connais, et depuis que je l'ai vu, depuis ses débuts, depuis que je le vois à la CZW, je l'adore, mesdames et messieurs, ce John Moxley, et bah... Dean Ambrose, Switchblade, il a gagné le titre des États-Unis. Wouh! Donc même s'il a gagné avec son finish de merde, non, j'adore ce finish, putain. Oh non, moi je déteste ce truc, c'est bizarre là, ce... D'ailleurs c'est un finish à Sami, ça, à l'origine, hein. Ouais, c'est vrai que c'est à Sami Callihan à la base. Il lui a piqué, mais je trouve ça dégueulasse, ce bulldog driver là. Non. C'est un headlock driver. C'est un headlock driver. Bah c'est un bulldog, quoi. C'est la même chose qu'un bulldog, sauf qu'à la place de retomber sur le cul, il retombe sur ses genoux, quoi. Mais sinon... Bah ouais, mais il est pas tombé sur le cul, justement. Le bulldog, elle a du chien, cette prise. Donc ouais, là, c'est surtout le résultat qu'on retient. Parce que bon, hein, voilà, premier titre pour Dean Ambrose, mais je sais pas, le match, je m'en souviens pas trop. Il était super court et c'était pas le meilleur match. Ah non, c'était un bon match. J'ai bien aimé. Moi, c'est un truc que j'ai plus retenu de la soirée. C'était vachement rythmé. Ouais, c'était pas mal, mais. Bon, je veux dire, c'était pas mal, mais c'était pas exceptionnel non plus. Ouais, enfin, c'est pas exceptionnel, mais comparé au reste de ce qu'on a vu, c'était exceptionnel. Mais ouais, donc, c'était super cool. Je demande donc Dean Ambrose qui gagne ce match. Mais je veux dire un truc, en fait, que j'ai remarqué. C'est que, oui, moi je l'appelle encore John Moxley et je dis que je l'aime John Moxley parce que moi, je l'adorais déjà en John Moxley quand je le connaissais. Maintenant, on a l'impression que tout le monde le connaissait en indie et tout le monde bave sur lui. Il refuse de l'appeler Dean Ambrose et c'est magnifique. Tout le monde savait que ça allait être une star alors que, franchement, dans la réalité, il n'y en a aucun qui a vu son travail en indie. Mais on dirait que ça fait cool justement de dire qu'on l'a vu. Les gars, ils disent ouais, John Moxley, je savais que ça allait être une star. Et ils refusent de l'appeler Dean Ambrose, tu sais, genre Fuck WWE, ouais, on est des rebelles, on l'appelle encore par son nom indie. Et je trouve ça ridicule parce que bon, moi je le connaissais, mais la plupart des gens le connaissaient pas et c'est juste la mode, quoi, et ça m'énerve. Et c'est surtout que les mecs ils font l'inverse de ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu de de parler du mec avant qu'il soit signé et de dire lui va réussir, ils attendent que le mec réussisse pour dire ah non, mais au fait, je le connaissais. C'est l'inverse qu'il faut faire, justement. Ouais, c'est exactement ça. Moi, les gens qui me connaissent depuis longtemps peuvent confirmer que je dis depuis toujours que John Moxley allait réussir. C'est pour ça que dernièrement, j'ai complètement pété un câble quand j'ai appris que Sami Callihan était signé. Parce que, genre, voilà, Nelson, toi et moi, ça fait des années qu'on dit que le mec va réussir, quoi. Ouais, on fait ça depuis toujours, comme avec Claudio. Ouais, exact. Avec Claudio, on n'arrêtait pas de dire qu'il allait roxer à la WWE, il rox, donc. Voilà. Ouais, ouais, enfin, il est quand même renvoyé à la NXT, Cesaro. Ouais, enfin non, Cesaro, il est nul à chier. Non, il est pas nul à chier, faut arrêter. Il est tellement nul à chier qu'il va le coucher bien dedans. Le mec, il est nul. Genre, t'as même pas envie de le voir, quoi. Non, ah, moi, j'ai envie de le voir chaque semaine, hein, mais... Ouais, moi aussi, hein. Si on le met chaque semaine à la télé, je suis satisfait, hein, je me plains plus. Le mec, sa gimmick, c'est qu'il parle 5 langues. S'il venait pas de l'Indie, tout le monde s'en branlerait de ce type. Non, là, il a changé maintenant. C'est un soldat suisse maintenant, sa gimmick. Paradoxal, ça. Un soldat suisse. Non, mais ouais, moi, j'aime beaucoup Cesaro, je le trouve très très bon, donc... Non, mais le problème, c'est qu'il a un style de catch qui colle avec très très très peu de monde, en fait. Et dans la majorité des gens, t'as l'impression qu'il est... Soit il est trop doué pour ceux qui combattent, soit c'est tellement inadapté que tu te dis, mais c'est dégueulasse. Non, ça, c'est vrai. Le truc, c'est j'ai l'impression qu'il arrive pas à mettre un mec over, pas parce qu'il est pas bon, parce qu'il sait le faire, mais c'est juste qu'il est tellement puissant naturellement que t'as l'impression qu'il n'arrivera jamais à foutre quelqu'un over. C'est surtout qu'il est super fort, quoi. Il a une de ses forces. Le retour des allusions gays de Nelson. Quoi, c'est vrai, non ? J'ai envie de me faire tweeter et je sais plus quoi. Non, mais pas du tout. Je dis juste que le mec, il a une force surhumaine, quoi. Ouais, je me rappelle d'avoir vu une interview, je sais plus de qui c'était. Ah là, c'était de Kenny King, donc du champion X-Division de la TNA, qui a dit vraiment avec ces mots-là Claudio, c'est le mec le plus fort que j'ai jamais affronté sur un ring. Donc ouais, moi je le crois sur parole, quoi, c'est tout. Je le crois sur parole, le mec, il a vraiment une force incroyable, je trouve. C'est de la force pure. Exactement. Je sais pas si vous avez vu son match contre Kofi à Main Event, là. Oui. Ah ouais, donc qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, je l'ai trouvé plutôt bon, faut le dire, mais je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. C'était un bon match, quoi. Solide, bien. C'est pas un match de l'année, quoi, ou un potentiel match de l'année. C'est un très bon match. Enfin, moi, pour un match TV WWE, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Je l'ai pas vu, il faut que je regarde. Il est vraiment, vraiment bien. Franchement, pour un match WWE, en plus un main event, quoi, j'ai trouvé que c'était incroyable, quoi. Il y a des spots de folie. J'ai trouvé que les deux cliquaient super bien ensemble. J'adore vraiment. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça haut. C'est un miracle, c'est vrai. Je l'ai pas vu non plus. Donc regardez-le, comme ça après on peut en parler un jour. On en parle dans 2 mois du match qu'il y a eu il y a 4 mois. Ben voilà, mieux vaut tard que jamais, moi je dis. C'était qui déjà qui bondait absolument sur ce match là? Jericho The Best 2. C'était Zip. Hein. Ouais, non, c'était Jericho The Best, non? Ah oui, non, voilà, c'était... Ouais, Jericho The Best qui avait bandé absolument sur ce match, je me souviens, il avait fait des pâtés géants sur l'instantané. Entre deux ans. Reviens à la modération, mec. Reviens, on annule tout. Ah, il est parti. Je sais même pas. Enfin bref. Mais c'est qui reçoit des appels? C'est pas moi. C'est moi, pardon. C'est moi. 2 secondes, je vais répondre, j'arrive. Putain, mais éteignez vos portables, bande d'abrutis, là. Ah non, c'est bon, c'est un appel en absence. Cette émission manque de punch. Alors, du punch, on va se lancer... inviter Mohamed Ali. Alors, on va se lancer dans du punch et on va parler du deuxième match qui était... C'était nul à chier. Excusez-moi, je te coupe, mais c'était de la merde. Il faut que je le dise, c'était de la merde. C'était dégueulasse. Et le principe des lumières qui s'allument, mais putain, c'était Toys R Us. Non, mais c'était... Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'était bien. C'était nul. C'était le seul truc qui était bien dans le match, c'est le fait que pour une fois, on ait un putain de strap match avec les corners et qu'on y comprenne quelque chose. Pour une fois. Justement, c'était ça ce qui est amusant, c'est que dans les strap match, tu comprends pas, tu te souviens plus qui a tapé de machin dans tous les sens. Ouais, mais c'est le bordel, là maintenant. C'est pas le pire match de la soirée. T'as les lumières qui s'éteignent au bout de 10 secondes, parfois c'était au bout de 5 secondes, parfois au bout de 15 secondes, on comprenait pas, c'était n'importe quoi. J'ai détesté. Cette stipulation est vraiment à chier, quoi. Pourquoi pas simplement faire un tombé, quoi? Je comprends pas le délire des trucs des quatre coins, quoi. Je vois pas l'intérêt, quoi. Le fait que les deux soient attachés l'un à l'autre, je comprends, mais en quoi toucher quatre coins du ring, faites un tombé, quoi. C'est pas le pire match de la soirée, hein, pour moi. Ah si, moi je trouve que c'est horrible. Pour moi, c'est pas le pire match de la soirée. Hein. Ah si, c'était horrible, hein, faut arrêter. Voilà. Je trouve que c'était le franchement, c'était une purge le match. C'était horrible, j'ai trouvé, franchement. Sur la stipulation, quoi. Enfin. Mais pourquoi ça existe, ces strap match? Bah, le strap match, c'est pas une mauvaise idée à la base, les deux attachés. Non, non, c'est de la merde. Non, enfin, je trouve pas. Un chain match, c'est mieux, je trouve. Avec une chaîne, un truc bien plus violent. Non, mais même avec le strap, ça va. Le problème, c'est que justement, ils l'ont mal fait. Parce que normalement, justement, le strap, ils sont censés se fouetter comme des tarés. Et ils ont fait un spot de 2 secondes où ils se fouettent et tout, alors que. Le coup des lumières, ça sert à rien, quoi, c'est fou. Oui, ça c'est vrai, ça, je pense qu'ils auraient dû, voilà, comme j'ai dit, faire seulement un tombé, et ça suffit. Mais le coup du strap, justement, ils l'ont mal fait. On s'attend à que les mecs se fouettent comme des psychopathes tout le match, et en fait, bah, pas du tout, non, ils se sont pas Et surtout quand t'as un mec aussi blanc que Sheamus, c'est vrai que t'attends que ça, quoi, au final, qu'il te mette des. fouettés. Exactement, quoi. Je me suis moins emmerdé que devant Orton contre Shaw, hein. Bah, on en parlera, attends, garde ta rage, on en parlera Ah, après. putain, mais non, mais non, objectivement, il était vraiment pourri, quoi. Mais ouais, c'était mal foutu. Marc Henry, il se fait faucher, il se fait faucher une fois, les lumières s'éteignent direct. Sheamus, il attend de se retourner, de C'est absurde, broke-kick. clairement. Le mec, il a le temps d'aller boire un café et de revenir, et les lumières, elles sont toujours allumées. Enfin, ouais, c'était franchement mal foutu le truc. Et ça me rappelle Hogan Ric Flair, sérieux. Le match où il fait la promo de malade, là, qui est dans tous les botches Il y américains. a papaye. Ouais, Je sais pas si c'était celui-là, mais ouais, ce match il était horrible aussi. Et ça se finit par un leg drop et il y a pinfall. papaye. C'est ridicule. Normalement, c'est la règle des 4 coins aussi. Et à la fin du match, Number one. et à la fin du match, Hulk Hogan fait un leg drop et un tombé pour remporter la victoire, n'importe quoi. Un match qui était vachement sympa, mais alors ça c'était en 80, je sais plus si c'était en 95 ou 96, c'était un dog collar match à l'ECW entre les Pitbulls et Raven et Stevie Richards. Et c'était un two out of three falls, ouais, vous admirez l'accent anglais. Et c'était vachement sympa et ça durait 30 minutes, vous pouvez trouver ça sur YouTube ou Dailymotion, je sais pas. Ouais, Et c'est une boucle c'était malade, hein. un de mes matchs préférés de l'histoire de l'univers du monde. Un autre bon dog collar match, c'est Roddy Piper contre Craig Valentine, et c'est à Starcade numéro 1, donc le premier Starcade, je crois que c'est 1989, je crois. Pas trop mal, ouais. Il était cool. J'avais aussi apprécié CM Punk Raven était pas trop mal à la Ring of Honor aussi. Ça aurait pu être mieux, mais c'était correct. Alors que Fouli fait des blagues de merde. Il dit un dog collar match, je dirais un Gilbert collar match, ce serait énorme. Putain, je sais même pas qui c'est. Et le gagnant quitte le FN. C'est mal que je ne sais même pas non. qui est Gilbert. C'est qui Gilbert Collard, sérieux? Le gagnant quitte le Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qui est Gilbert Collard? C'est un avocat qui a été membre d'à peu près tous les partis de France, Ah, qui est d'accord. maintenant au Front National. Qui fume des cigarillos. Hein? C'est la petite anecdote exclusive. D'accord, très, très intéressant. Donc, passons au match suivant. Donc, Jack Swagger contre Alberto Del Rio dans un I Quit match. Et franchement, c'était franchement pas terrible du tout comme match. Vraiment pas terrible. Non mais surtout, à chaque fois qu'il y avait un des deux catcheurs qui prenait le micro pour dire I quit, c'était hyper mal joué. Mais Non, ça c'était c'est vrai, ouais. abusé. C'était incroyable. Franchement, ça m'a choqué. C'était mal fouet ou bon fouet? C'était mal fouet. Non, c'était mal joué. Bah tu vois Nelson, là je me pose une question, c'est que toi qui as commencé à un peu expérimenter dans le ring, maintenant je sais pas si ça te le fait ou si ça te le faisait même avant, quand tu regardes un match, tu t'imagines à la place des types et tu t'imagines dire I quit comme ça? Ouais, non, c'est vrai que, ouais, pas du Ouais, tout. ou alors justement dire no, le vendre comme ça faisait vraiment. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai que Voilà. jamais. Attendez, j'ai pas souvenir, dans les anciens matchs I quit, est-ce que l'arbitre allait aussi souvent pour demander au type s'il voulait Ouais. partir? Ah, si, oui, vraiment. Ah, On se d'accord. rappelle de la fin la plus pourrie d'I Quit de l'histoire où c'est Mister. The Rock qui fait un montage de Mankind et qui le diffuse dans l'arène. Il l'avait refait avec Missina après. Oui. Ouais, ça a chié comme fin. Ouais, c'est vrai que c'était bien pourri. Et donc, alors que Fouli nous écrit encore une blague de merde en privé, donc je vais la faire. Missy Hyatt contre China dans un I Quit match. Voilà, I Quit Je match. l'ai faite par écrit tellement j'en avais honte et tu l'as reprise, tant mieux pour toi. Non, elle est bien celle-là. Elle est Ouais, bien. non, c'est marrant, I Quit match, mais ouais, bon. Bref, donc on va vite parler. Donc, comment est-ce que ça s'est terminé, donc ce match, le finish. Donc, Alberto Del Rio avait Ricardo Rodriguez dans son coin en fait, tandis que Alberto. voilà il avait Alberto Del Rio, il avait Ricardo Rodriguez dans le coin de Del Rio et Zeb Coulter dans le coin de Jack Swagger et en fait Ricardo Rodriguez fait mine de jeter la serviette, de jeter l'éponge. C'est ça, hein, ouais, jeter l'éponge, ouais. Jeter l'éponge. Voilà, ouais, jeter l'éponge. Et Del Rio le supplie de pas le faire. Et en fait, quand l'arbitre se retourne, Zeb Coulter prend l'éponge des mains de Ricardo et jette l'éponge. Et donc l'arbitre croit que Ricardo a jeté l'éponge pour Alberto Del Rio. Et donc, il donne la victoire à Jack Swagger. Mais ensuite, on a un fuck finish puisque un autre arbitre arrive et dit donc à l'arbitre du match « Non, c'est Zeb qui a tiré l'éponge, c'est pas Ricardo. » Et donc, ils font un arbitrage vidéo de merde, là, un écran qui sort de nulle part. Et après, le match recommence et Alberto Del Rio gagne. C'est John Cena, Yoshitatsu et Mark Henry. Ils vont à l'enterrement de la mère de Mark Henry en Afrique. Et ils sont capturés par une bande de Zoulous. En Afrique ! Et ils se font capturer par des Zoulous. Et les Zoulous, ils leur disent « On va mesurer vos bites. Si vos bites cumulées font moins de 50 cm, on vous tue. Sinon, on vous relâche. » Donc, ils mesurent la bite. Donc, John Cena, ça fait 22 cm. Mark Henry, ça fait 23 cm. Et Yoshitatsu, ça fait 5 cm. Ça fait pile 50, c'est parfait. Il les laisse partir. Et en partant, il y a Yoshitatsu qui fait « Les mecs, heureusement que des bandés, hein. On est très bien arrivés sinon. » Putain, j'ai même pas compris. Sinon, j'ai une blague aussi. Vous savez, quand Dieu demande à John Cena de goguer, et bah John Cena gogue. Oh putain, c'est lui. Bon, ferme-la avec tes blagues de merde, Fatman. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Franchement, vas-y, parle. Je sais pas, je suis tellement allergique à Jack Swagger que j'ai zappé le match en fait. J'ai regardé un petit peu le début, je trouvais ça tellement mal joué, je me suis dit ah non, c'est dégueulasse. J'ai sauté au match d'après, mais il me semble que c'était Orton Big Show. Donc du coup, j'ai ressauté au match d'après. Donc du coup, je crois que je suis quasiment arrivé au main event. Donc je vais laisser parler les autres personnes qui ont vu le match. Siegfried. Oui. À toi, qu'est-ce qu'on a pensé? Un bon match, bien chiant, sans forcément grand intérêt. Souvent, comme tu l'as dit, Derek Witt, l'arbitre qui demande est assez ridicule. Et ce finish qui m'a consterné, quoi, le coup de la... Je vais pas dire que c'est prévisible. Mais quand j'ai vu Colter tourner autour de Ricardo, j'ai compris qu'il allait prendre la serviette et l'acheter. L'arbitre allait siffler, et quand l'arbitre a sifflé, qu'il regarde le truc, tu sais que l'arbitre va renverser la situation, et que Del Rio va gagner, donc c'était vraiment pas spécialement non plus très intéressant. Ouais. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que maintenant, on va avoir, pendant des années, on va avoir des milliers de finish fucked derrière l'arbitre. Et il y aura jamais d'arbitrage vidéo. Ouais. Tandis que là, bah, comme par hasard, il y a un arbitrage vidéo, comme par hasard, c'est nul. Je suis content parce que maintenant que Zeb Colter a perdu de sa nouveauté, que le personnage a perdu de sa nouveauté et de son attractivité, on se rend compte que Jack Swagger est vraiment un gros catcheur de merde. Et Zeb Colter faisait un peu cache-misère pendant quelques temps en attirant l'attention sur lui. Sur sa moustache. On se rend compte, enfin on le savait depuis toujours, mais on se rend compte encore une fois que Swagger n'est pas fait pour être au sommet. Mais il est pas mauvais, hein, mais il a juste pas le truc, quoi. Il a pas le hit factor, quoi. Enfin... C'est comme Curtis Axel, attention, on a vu ça. Non, c'est faux, c'est faux. Non, on va pas commencer comme ça. Curtis Axel, c'est le futur de la WWE, c'est un futur Hall of Famer. Ouais. C'est un futur main eventer de WrestleMania. C'est un futur jobber à NXT, ouais, c'est ça. Bah, il y a un truc dont vous avez pas parlé et que moi j'ai trouvé très bizarre, c'est que. Vous me rappelez, c'était quoi la stipulation du match déjà? Bah, avec le match. C'est ça, quoi. Et au final, c'est. Qu'est-ce qu'on a à branler qu'un mec vienne jeter l'éponge ou qu'on ait besoin d'une vidéo? On s'en fout qu'il jette l'éponge à l'origine. Le but du match, c'est d'entendre un type qui dit j'abandonne. C'est pas d'avoir un. Tu sais bien, moi, ça m'a pas gêné le coup du replay à la rigueur. C'était bien fait, donc j'ai trouvé ça cool. Mais ce qui m'a gonflé, c'est que ça n'avait. Surtout en plus, un match comme un I Quit. C'est-à-dire encore, ce sera un match même hardcore. Tu vois, tu dis le mec qui jette l'éponge, d'accord, bon, c'est qu'il y a un problème. Mais là, le I Quit, la personne qui annonce le match, elle précise bien que le seul moyen de finir le match, c'est avec, en disant I Quit. Et au final, ils viennent nous casser les burnes avec un truc qui n'a aucun rapport avec ça. Alors, vous allez m'expliquer un truc. Pourquoi dans tous les matchs de la WWE jusqu'ici, on n'a jamais eu recours à l'arbitrage vidéo? Et pourquoi pour ce match en particulier, on se dit qu'on a le droit d'avoir recours à l'arbitrage vidéo? C'est justement ce que j'ai dit, quoi, l'arbitrage vidéo. Non, mais oui, il y a déjà eu, mais c'est pas genre c'est pas une règle fixe, quoi. C'est genre parfois ils font pas. C'est juste que la plupart des fois, les autres arbitres, ils ont la flemme de le faire, et donc du coup, ils aident pas. Mais c'est ce que j'ai dit. Maintenant, on va y avoir des milliers de finishes derrière l'arbitre, et il y aura jamais d'arbitrage vidéo. C'était juste là, comme par hasard, il y en a eu un. Hein. Ah oui, j'avais pas compris ça. Est-ce que ça va faire une jurisprudence, c'est la question. Pour les amateurs de football, ça vous rappellera sûrement la décision argentin de la finale de la Coupe du Monde 2006 qui est recours à l'arbitrage vidéo, alors que c'est en fait interdit. On s'en fout du foot. Platini, tu m'emmerdes si tu nous écoutes d'ailleurs. J'ai une breaking news sur le monde du catch, le monde du catch québécois. Apparemment, selon le Facebook de Jason, Dark Cash, Money, je sais pas quoi, Descoto, il va se retrouver à la rue. C'est pas Descoto. Je sais pas, mais je dis Descoto. Donc voilà, on souhaite tous bonne chance à Dark Catch dans ses aventures. Bah attends, il y a une bonne nouvelle là, qui vient de nous annoncer. Mais... ouais. Mais sinon, pour parler de jeter l'éponge, on a toujours pu le faire, hein, debout de levée en tout cas. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. On a déjà vu des gars jeter l'éponge dans plusieurs I Quit match, je me souviens. Ouais, mais c'est trop compliqué. Enfin, I Quit, c'est pas... Moi, je regarde un I Quit pour entendre le mec hurler à la mort. I Quit, I Quit, I Quit. Et le mec se fout de sa gueule pendant 2 semaines en disant « Ah, regarde... » T'as crié comme une tapette au micro. Je me souviens de Stéphanie McMahon contre Vince McMahon en I Quit match. Ça s'est fini en jetant les points. Par un inceste. Et c'était ça la voir. Et donc, petit débat, petite question pour vous. Est-ce que vous avez un I Quit match préféré? Est-ce que vous avez un match I Quit match que vous adorez vraiment? Oui. Lequel? Tully Blanchard contre Magnum TA. C'est celui en cage là Ouais, 87 ouais. Je crois. Ouais, apparemment, pareil. Il est cool. Fatman, est-ce que t'en as un que t'as Pff, non, comme ça, je sais pas. Si, il me semble qu'il y en avait un entre Dreamer et Anderson à la ECW, mais alors je sais plus, c'était peut-être en 2000 ou en 2001. Et il y avait une histoire de fil de fer barbelé avec des fil de fer barbelé rasoir, c'était assez sympa. Voilà. Ah, et j'aime bien leur écoute entre Chavo et Ray qu'il y a en 2006, je crois. Ouais, c'est lui. Où il lui explose le genou contre le... Enfin, accroché dans l'espèce de structure en fer. Il est fou, celui-là. Fouli, ton écoute match favori? Ivan Drago contre Rocky Balboa. moi, personnellement, mon favori, c'est Jimmy Jacobs contre Austin Aries à la Ring of Honor. Ce match, il est vraiment... Il est exceptionnel, celui-là. Ouais, il est vraiment... Avec le pic à la fin, là, l'espèce de... Ouais, il est incroyable. Ouais, il est... Et quand j'y pense, on n'a jamais eu de personnage style Rocky à la WWE. Ce serait incroyable. Ouais, mais si, il n'y avait pas Marc Mero qui avait une gimmick de boxeur à un moment. Ouais, mais Marc Mero, c'était pas Rocky, quoi. Non, mais Rocky, c'est boxeur sur le déclin qui fait son dernier match, etc. Ce serait sympa d'avoir un truc comme ça. Bah, en fait, Fouli, ce qu'il veut, c'est une gimmick de Randy The Ram Robinson, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ce serait cool, ça. Un vieux, il ramène un vieux. Bah, ils avaient fait ça à la Ring of Honor avec Jerry Lynn, là. Oui, Jerry Lynn, je sais ce que j'allais dire, mais à la WWE. C'est bâtard, ça, mine de rien. Parce que Jerry Lynn, il est pas vieux, il est pas drogué, il a pas une histoire de merde, il a pas des liens complètement cassés avec sa famille, quoi, il va bien. Ouais, mais il lui ressemblait, donc bon... C'est ça, il lui ressemblait. Il a cassé la TNA. Et en plus, si Rocky, s'il y avait un personnage style Rocky à la WWE, il pourrait faire des matchs contre des serpents et tout. Ouais. Parce que Rocky Balboa, hein. Ouais, j'avais capté. C'est nul, putain. Bon, ensuite, donc, match suivant, le Shield de Roman Reigns et Seth Rollins ont battu donc la Team Hell No pour le titre par équipe de la WWE dans un tornado match. Et j'espère que c'est la fin de Hell No, parce que... Hein, ouais, donc dans un tornado match, et à la fin, Dean Ambrose est venu célébrer avec eux. Donc, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce match, chaque avant de tour Alors, je pense que j'espère que c'est la fin de Hell No. Je trouve ça vraiment un chier. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. C'est vrai que ça devient un peu long, Hell No. Ouais, donc Fatman, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce match Moi, j'ai beaucoup aimé, et plus le temps passe, et ce match m'a encore conforté dans mon idée, plus je trouve que finalement, des trois membres du Shield, c'est Reigns qui est le plus intéressant sur le ring. Enfin, qui est le plus amusant à regarder, quoi. Parce que Seth Rollins, je sais pas, je trouve basique. Ambrose, il est très bon, mais alors Reigns, je sais pas, enfin, il dégage vraiment un sentiment de puissance et tout. Il est vraiment pile dans le rôle, quoi. Ses spears sont vachement sympas, c'est vachement bien. Mais le problème de Seth Rollins, c'est que c'était Tyler Black de la Ring of Honor, donc tout le monde l'aime parce que. Non, ça va. Non, mais. Peut-être toi, mais. Non, pas moi, mais en général, quoi. Oui, je sais. Les gens, ils bondent sur lui parce que c'est Tyler Black de la Ring of Honor et qu'il est super technique et tout, mais il manque un truc à lui, enfin. Ouais, mais tu fais pareil avec Cesaro, tu vois. Mais pas du tout. Mais je disais que tout le monde bonde sur Seth Rollins, c'est tout le monde crache sur Roman Reigns parce que c'est un produit typiquement de WWE, il est grand et tout, mais il fait ce qu'il a besoin de faire, mais il le fait parfaitement, quoi. Et surtout, pour un mec qui a commencé le catch, il n'y a pas si longtemps que ça, si ma mémoire est bonne. Ouais, voilà, il fait ses spears, et le reste, bah, il brawl et ça suffit, quoi. Ça lui... Mais c'est normal qu'on l'aime bien parce que l'autre vient de l'Indie, je veux dire, tu fais pareil avec Cesaro est nul à chier, mais tu l'aimes même parce que c'est Castagnoli, c'est tout. Tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Surtout, il y a plein de mecs qui sont à chier, qui viennent de l'indie, mais on les adore parce qu'ils viennent de l'indie. Même Daniel Bryan, ça fait un bon bout de temps qu'il est nul à chier, tout le monde l'adore parce que c'est Bryan Danielson, c'est tout. Non, arrête de faire ton rageux, que tu fais ton rageux, nous fout une mauvaise ambiance, putain, on dit que rien que c'est bon, merde. Ouais, bah tu vois, on avait le débat sur les gens, justement, qui disent, ouais, je le connaissais depuis l'indépendant et tout, mais Danielson, je pouvais pas le blairer, mais depuis 2006, je peux pas le blairer, c'est un truc, c'est... Ouais, non, mais nous on sait que toi t'aimes pas Danielson. Hein. Mais moi, un truc qui me gêne chez Seth Rollins surtout, c'est sa voix, quoi. Il a pas une voix super originale, quoi. Il a une voix de fille, je trouve. T'as Reigns qui a une voix de gros méchant, Dean Ambrose qui a une voix de fou, style le Joker. Et ensuite, t'as Seth Rollins qui parle comme ça. Believe in the Shield. Ouais, il a toujours une meilleure voix que les autres, hein, mais bon. Voilà, moi je sais pas, je trouve qu'il lui manque un truc. Et un truc qui me gêne aussi c'est chez Seth Rollins, c'est sa coupe de cheveux. Avec le Shield, ça colle pas bien, c'est censé être des soldats et tout. Et un soldat qui est moitié blond, moitié brun, ça fait bizarre, c'est pas crédible, je trouve. C'est pas faux. Quand t'es tout seul à NXT et que t'es la gimmick de rockstar métalleux, ça va, mais sinon. Mais là, avec le Shield, justement. Sa coupe de cheveux fait pas sérieux. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Fanman, où il disait que mine de rien, quand on parle du Shield, on a toujours en tête Ambrose et Rollins. Et tu vois, enfin, on est d'accord, Ambrose il déchire et tout, mais quand il pense, c'est vrai que le mec qui sort le plus du truc, c'est quand même Reigns, quoi. Ah ouais, voilà, il a un truc, le mec. Parce que le truc, c'est que Rollins, tu vois, et Ambrose, ils ont un bon in-ring, enfin, ils ont un work rate qui défonce bien tout. Et après, tu vois, au micro, t'as Ambrose qui a du talent et tout. Mais ce qui est énorme avec Reigns, c'est qu'il est pas dégueu au micro. Dans le ring, ça va. Et en plus, il a le truc en plus, c'est qu'il a une intensité de malade, quoi. Ouais, voilà, le mec, il a le hit factor. Tu le vois arriver, tu le remarques, quoi. Tu dis tout de suite, ce mec, il va te casser la gueule. C'est genre, c'est ce qu'on dit, quoi. Le charisme, c'est un truc qui s'apprend pas, quoi. Enfin, tu peux, mais tu vas galérer, quoi. Ouais, voilà, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et Roman Reigns, c'est un gars qui l'a, le charisme. Il l'a avec lui et donc voilà, il gère. Et donc voilà. Siegfried, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Comme il y a le shit, ça peut être que forcément bon, en gros. Et c'était plutôt bon, c'était intéressant, ça allait vite, il y avait à peu près tout, c'était juste un bon match, quoi. Bon, le truc, c'est que vu que Dean Ambrose avait gagné, on se doutait que le shit allait aussi gagner les titres par équipe. Mais c'était un bon moment de divertissement, quoi. Sinon, moi, j'écoute un podcast catch américain et ils ont dit un truc que j'ai remarqué, qu'ils ont plutôt raison. C'est que, on dirait qu'à Wood Devop, personne n'a des amis. Parce que là, on a vu, par exemple, Dean Ambrose a gagné le titre, The Shield a allé fêter avec eux la victoire, avec lui la victoire. Et donc, ensuite, quand ils ont gagné le titre par équipe, Dean Ambrose est venu fêter la victoire avec eux. Et donc, quand c'est quelqu'un qui gagne le titre, personne ne vient fêter avec lui. Genre la victoire. C'est bizarre, quoi. On dirait qu'ils sont pas d'amis. Je verrais bien, à chaque fois que tu gagnes un titre, tous tes potes qui sortent des backstage pour venir fêter avec toi la victoire du titre. Tu arrives, ils te font un gros câlin sur le ring et tout. Ça arrive peu ces temps-ci, je trouve. Ça manque un peu. Ça me rappelle genre AJ Styles et AJ Styles qui fête la victoire avec Christopher Daniels quand il gagne le titre. Enfin voilà, tu vois ça. Mais John Cena, il est pas en groupe. Ben, Chris Benoit et Eddie Guerrero, ils étaient pas en groupe et pourtant ils ont fêté la victoire ensemble. À WrestleMania 20, quoi. Parce que c'était symbolique, je veux dire, John Cena, tu vas faire venir qui? Ouais, je sais pas, mais il a forcément des amis. Même c'était plus valorisant à la rigueur de laisser le mec seul. Quand t'as un type qui gagne un titre important, tu vois, ça prouve justement que le mec s'est déchiré et que. Ouais, mais par exemple, quand Rob Van Damme gagne le titre et que t'as toute la CW qui vient fêter avec lui, c'est un moment cool quand même. Ouais, mais c'est WrestleMania spécial. Ouais, c'est un moment spécial. Mais de part WrestleMania où c'est Randy Savage qui gagne le titre et Hogan qui vient et qui met le spotlight sur. Ouais, il lui vole la vedette, un truc de fou. Ouais, il lui nique son moment en plus, c'est affreux. C'est genre, regardez, c'est mon ami, il a gagné le titre. C'était Mentor dans le CL Pod qui avait dit qu'en fait, quand Hogan il gagne un titre, il est tout seul dans le ring en disant regardez tout le monde, j'ai gagné le titre. Et quand c'est Savage qui gagne, il fait regardez, je t'ai aidé à gagner le titre. Ouais, c'est regardez, mon pote est champion grâce à moi, c'est moi qui l'a soutenu toutes ces années. Il est champion grâce à moi. C'est vraiment ça. Dans ce show, il lui a vraiment volé la vedette complètement. Et donc là, on est de retour avec les experts. Donc, avec Titus O'Neil qui n'arrivait pas à dire trois mots de suite. Non, j'aime quand il aboie. Putain, il n'arrivait pas à dire trois mots de suite. Et c'est là aussi que Wade Barrett s'était changé. Donc, comme vous, savez qu'un expert, généralement, c'est un eunuque. D'accord. Ah ouais? C'est vraiment très intéressant, Fatman. Hein. Mais ouais, donc Wade Barrett qui change de chemise. Et donc. Alors, Mick Foley n'aurait pas de couilles. Putain, mais taisez-vous, sérieux. Donc, ouais. Ah putain, mais. Mais ouais, donc bon, bref. Pour me... Non, parce que je dis eunuque parce que c'est un ex-père, un ancien père. Voilà. Ouais, bah moi je suis presque un expert parce que vu que ce match m'a cassé les couilles, j'ai fini pas loin d'être eunuque. Donc Randy Orton. Donc Randy Orton Big Show. Le Fanman, ta blague était un peu stérile quand même. Ouais. Donc Randy Orton Big Show, Elec. Bon, non, vu qu'on est dans le coup de gueule, je vais en dire un, c'est que j'avais eu un débat de malade avec Nyarno où on s'était embrouillé là-dessus. J'ai rien de personnel contre Orton, faut vraiment comprendre ça. C'est-à-dire que si je le croise demain, voilà, je lui serre la main, je lui dis c'est cool et tout, machin, mais j'ai rien contre lui, c'est juste que je n'aime pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que vous regardez un match d'Orton, objectivement, qu'est-ce que j'ai vu moi ce dimanche dernier, enfin lundi dernier plutôt, j'ai vu un type qui, dès qu'il se prend un move, soit ne le vend pas, soit prend à peu près 20 secondes pour le vendre minable, et ensuite revenir comme si de rien n'était. J'ai vu un type qui, à chaque fois qu'il mange une grosse prise ou un finish, bah je pop même pas parce que je sais qu'à deux il va sortir. Et surtout, qu'est-ce que je sais, c'est que son RKO, qui est censé être, comme dirait Michael Cole, out of nowhere, qui est censé être totalement inattendu, c'est un putain de move qu'à chaque fois tu le vois arriver 25 km à l'avance. Putain, le réac. Ça me gave de voir un mec qui est censé être impulsif, calculateur, tout ce que tu veux, et qui a un finish qui est censé faire bander les morts parce qu'il est méga surprenant, et c'est pas une fois sur 15, c'est à chaque fois qu'il le place, mais une putain de pause de 20 secondes pour vous faire comprendre à tout l'univers qu'il va le placer, quoi. C'est mon cas. J'en ai marre de ce type, putain. Mais il n'y a rien de personnel contre lui. Il n'y a rien de personnel, c'est juste... Bordel de merde, fais un effort. Le match, le monde ne tourne pas autour de ta putain de personne, quoi. C'est énorme. Il est fou. Cet homme est fou, mesdames et messieurs. Il est complètement... Voilà. Je vais boire un coup, je reviens. Et le pire, c'est de se dire qu'Orton est signé la WWE jusqu'en 2017, de mémoire, sûr et certain. Et toi, Fatman, donc, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? J'ai pas regardé le match. Parce que j'ai beaucoup de patience, mais alors là, c'est pas possible. Là, je peux pas. Là. J'ai vu ça, je me suis dit non. Zikri, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Le match, on parlait de quel match? Putain, merde. Le match d'Orton contre Big Show, chiant, quoi. Le pun kick était assez marrant, mais bon, il y a le pun kick parce que c'est chez lui que c'est nos DQ. Ça veut rien dire d'un turn. Ça passe, on ne sent plus. D'ailleurs, là, le kick. Il l'a tué avec un... Hein. Regardez la vidéo de nouveau et regardez au moment où il le frappe du pun kick, vous voyez Randy Orton se baisser légèrement et genre lui demander « ça va ?» pour voir si Big Show est toujours vivant et voilà, donc c'est marrant. Ouais, il l'a vraiment atomisé avec ce kick. Hein. Vraiment, il l'a vraiment punté en plein dans la gueule. Il en a vraiment eu rien à foutre, là. Il aurait pu le tuer, il en avait rien à foutre. Non, mais c'est ça, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre sur le ring. T'as l'impression qu'il est là, c'est pas très bien. Il est payé tout son salaire à la fin du mois, il vient de temps en temps, et puis ses petits trucs, mais il en a rien à branler, il se prend des coups, il s'en fout. Je suis entièrement d'accord avec ce que disait Elec tout à l'heure, c'est que vraiment, c'est paradoxal, parce que plus le temps passe, et plus il devient mauvais. Et tu sais à quoi il me fait penser, Orton, en fait? Il me fait penser à ce type avec qui tu joues au foot quand t'es gamin. Et t'es le mec, c'est le type qui te dit toujours comment toi tu dois jouer, mais qui, quand il joue lui, il te passe jamais la balle. Mais jamais. Ah oui, c'est moi ça. Et genre, il te la passe uniquement quand il s'est vautré par terre et qu'il a compris qu'il pourra plus rien faire avec. Et à ce moment-là, il daigne te la donner. Mais c'est le type qui, dans le ring, n'accepte jamais de paraître comme une merde. Tu vois? Tu prends un mec. Tu vois, on critique Cena tout ce qu'on veut, mais Cena, c'est un type qui, pendant 80% du match, il a l'air d'un putain d'une putain de victime, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, mais il a fait quelques bons matchs. Il était cool. Donc, on va passer au match suivant. Et là, maintenant, c'est à mon tour de gueuler. Donc, Randy Orton contre John Cena dans un Last Man Standing match. Donc, c'était un très bon match. Voilà, merci. Donc, j'ai envie de gueuler parce que Last Man Standing, donc, ça veut dire le dernier homme debout. Hein, on est d'accord. Oui, bravo pour la traduction. Merci, je sais que je suis un bilingue extraordinaire. Donc, Last man standing match, c'est le dernier homme debout gagne. Hein, on est d'accord. Et donc, là, les deux, ils se font un spire incroyable à travers les petites loupiottes, là. Il y a des putains de feux d'artifice de merde en post-production qui sont pas réalistes du tout, là. En post-production, enculé, c'est en direct. Non, mais je veux dire, ça se voit qu'ils sont, que les expositions sont super mal faites, quoi. Ça se voit qu'elles sont à... C'était une conspiration sioniste. Elles sont à 1000 km de l'impact, là, les explosions, c'est pas du tout réaliste. Donc les deux passent à travers cette merde, là. Et finalement, l'arbitre est là et il veut pas compter, donc voilà, donc on comprend pas pourquoi. T'as les médecins qui sont là autour du ring et machin. Et finalement, hein, ce putain de merde, Ryback, qu'est-ce qui se passe? Ryback se relève et part à pied. Ryback est le last man standing. Ryback est le champion. C'est vrai en plus, ouais. C'est tout, c'est la logique. Si Ryback repart sur ses pieds et pas John Cena, Ryback devrait être champion, c'est tout, c'est les règles du match. Il est bien cet épisode hein, de Here Comes the Pain, là. C'est l'épisode rageux en fait. Quoi. Mais c'est normal ce pay-per-view. Ce pay-per-view il nous casse les couilles là, il y a que des trucs qui vont nous énerver parce que c'est pas normal ou c'est n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment chiant, c'est tout. Mais le problème c'est que les deux, je vais t'expliquer un truc, c'est que en fait l'accident a été d'une ampleur telle, que les deux n'ont pu se relever. Et donc, match nul. Mais justement, Ryback s'est relevé. Non. Si, il est reparti sur ses pieds. Après que la cloche ait sonné. La cloche n'a pas sonné. Oui, mais écoute, si... Vas-y, essaie de... Allez, allez. Si Ryback se relève, c'est peut-être une tactique. Une tactique de quoi? Mais tu racontes quoi? T'as pas vu le pay-per-view, tais-toi. Allez, Fatman, qu'est-ce qu'on a pensé? Alors moi, j'ai beaucoup aimé le match, mais alors ça, parce qu'en fait, il y avait eu d'autres... Est-ce qu'il y avait eu d'autres affrontements entre Cena et Ryback, avec des stipulations, avec des tables et tout ça? Ouais, je crois qu'ils ont eu un truc avec CM Punk, un TLC. Parce que j'avais vu... C'est un concours de bouffe, un jour. À Bercy, c'était le main event, justement. C'était un... Je sais plus ce que c'était, mais ça devait être un table match entre les deux. Et c'était de super, super bonnes factures. Et du coup, tout le monde sur le forum disait « Ouais, ça fait trop à chier ce main event, ils sont nuls et tout ça. » Et moi, comme j'avais vu, je savais que ça allait être bon. Et tout le match est bon, et arrive la fin. Et c'est vrai que c'est un peu de la merde. Déjà, ce qui est un peu absurde, c'est comment est-ce que John Cena peut être parfaitement allongé sur une structure... D'ailleurs, ils ont failli le buter, là... ...qui est composée de barres, genre un petit peu un mini-échafaudage. Enfin, c'est totalement absurde quand vous revoyez la scène. D'ailleurs, à la fin, soit tombé, à la fin, les arbitres ils ont failli... retomber. Non, ouais. Mais voilà, non, mais... Ils ont failli le faire tomber, donc, ils ont failli lui briser la nuque, là. Comment est-ce que Ryback a pu tomber sur le sol alors que John Cena est resté sur la structure? Je pense que du point de vue physique, il y a là un paradoxe extrêmement fort qui remet totalement en question 250 ans de physique quantique. D'ailleurs, putain, ces feux d'artifice, ils sont horribles. Mais une fin de merde, comme ouais. D'habitude. Ouais, franchement, ces feux d'artifice sont dégueulasses. Genre, de côté, ils avaient l'air réalistes comme ça. Mais dès qu'ils ont changé l'angle de caméra et qu'on voit très bien que les explosions arrivent... à 100 mètres de l'impact là, que c'est pas du tout où ils ont tapé et que ça a explosé, c'est juste ridicule quoi. Enfin voilà, c'était juste pour faire une fin, c'était nul, ça m'a énervé. C'était vraiment nul à chier, c'était juste pour voilà faire une fin spéciale quoi. Enfin. Moi je comprends pas pourquoi ils cherchent toujours à faire du cirque. Il y avait quand même une fin qui était évidente sur affaire là où ils étaient. Bon, c'est un truc qui a déjà été fait 50 000 fois, mais à chaque fois. Ça déchaîne la foule. C'est tout simplement de faire un spire à partir de, je sais pas comment ça s'appelle ça, de l'estrade, là. Genre vers le sol, quoi. Ils mettaient, je sais pas, une série de tables et tout ça, et ils s'explosaient par terre, et boum, ils finissaient tous les deux comme des merdes. Ouais, boum, mais des explosions, mais depuis, à la limite, quand Big Show avait envoyé John Cena dans le projecteur, je sais plus quand est-ce que c'était extrait. Mais là, au moins. Ça, c'était marrant. À la limite, ça, c'était marrant. Mais alors là, enfin, on va pas croire. Genre, on voyait en plus que c'est du vieux contreplaqué dégueulasse de 3 mm d'épaisseur. T'avais des petites bombinettes à fumer qui faisaient pfft comme ça. Mais là au moins, avec John Cena, les feux d'artifice ont explosé au même temps et au bon endroit. Ouais. C'est pas comme là où les feux d'artifice ont explosé à 100 mètres de l'impact. Alors par contre, il y a un truc, je sens que là on râle dessus, mais je sens qu'on va oublier de dire ça. Pour moi, c'est le match qui confirme que Ryback est quand même super solide dans le ring, quand il veut. Bah, il est pas mauvais, quoi, c'est pas le meilleur. Il tient sévère, hein. C'est pas le meilleur catcheur du monde, mais c'est vrai qu'il est pas mauvais, quoi. Il y a bien pire que lui, quoi. Enfin, il est cool, quoi. Il est solide, ça va. C'est pas le pire catcheur du monde. En heel, il est vraiment mauvais. Ouais, ça par contre, ça c'est vraiment chiant. Le mec, il fait vraiment... J'ai l'impression qu'il joue un rôle. C'est pas Ryback. On dirait que c'est un gosse qui est en train de jouer Ryback. Il fait vraiment des promos atroces, je trouve, et ben il... Mais c'est quand qu'il s'est fait putain, il y a un moment il s'est complètement planté au micro je sais plus quand c'est, mais genre il essaie de faire une, il fait une promo, mais genre elle dure enfin c'est pas qu'elle dure plus longtemps que prévu, mais t'as l'impression qu'elle est trois fois trop longue parce qu'en fait il se répète au bout d'un moment. Après WrestleMania, non? Non, enfin je sais pas, non, c'est, je crois que c'est un weekly, je crois que c'est un Raw, mais tu sais, tu sens que le premier Raw de WrestleMania, non, quand il chie à Cena, ou de ouais, je crois, mais enfin tu sais, il y a cette promo, c'est interminable parce que tu sens qu'il sait, il sait pas quoi dire et il est au bout du truc, quoi. D'ailleurs, il sait pas parler dans un micro, le mec. Non, exact. On entend que la moitié de ce qu'il dit, c'est abusé. Et je crois qu'il parle, il bouge le micro avant de finir sa phrase et on comprend rien. Donc bon. Siegfried, donc, qu'est-ce que toi, tu as pensé de ce joli match ici? J'ai pas regardé. Je comment dire, pour moi le pay-per-view commençait à être un peu un crime contre l'humanité du catch, et tard, et j'avais des examens deux jours après, et je vais dormir un peu, il était 4 heures, donc j'ai dormi, et j'ai pas eu le courage de regarder, je suis désolé. Et donc tu as raté le meilleur match de la soirée, puisque Brock Lesnar contre Triple H en cage était vraiment exceptionnel, vraiment. Ouais, j'en aurais sûrement de toute façon, mais là maintenant je suis quasiment en vacances, donc ça viendra. Il était vraiment très bien, Brock Lesnar a vendu son genou comme un dieu. C'est vrai, moi j'ai même cru qu'il s'était blessé d'ailleurs quand ouais. Il y retombait, et j'ai vraiment... Ouais, pour ceux qui n'auraient pas vu, donc il a donné un gros coup de genou contre la cage, d'ailleurs il y a une nouvelle cage, là où le... Ah bon? Ouais, on a une nouvelle cage, t'as pas remarqué? Le mec, il a des... t'as des photos de toutes les cages de l'histoire de la WWE chez toi, des posters et tout. Non, mais ça se remarquait que c'était une nouvelle cage. D'ailleurs, elle réduit un peu la visibilité parce que maintenant, parce qu'avant, bah, on avait 4 parois, une de chaque côté du ring, en fait. Carré, quoi. Voilà. Et maintenant, on en a 2 par côté, en fait. À la place de une seule. 2 portes? Non, 2 parois. En fait, le mur est séparé en 2. Il y en a 4. Non, il y en a 8, justement. C'est séparé en. Ah oui, tu vois. Et donc, en gros, on a une espèce de barre entre les 2 parois, donc, qui est au centre. De l'angle de la caméra, et donc ça bouche un peu la visibilité, mais bon. Sinon, le match était vraiment, vraiment très cool. J'ai trouvé, comme on a dit, Brock Lesnar a vraiment vendu son genou comme un dieu. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu, Brock Lesnar a donné un gros coup de genou sur Triple H. Triple H a esquivé, et Brock Lesnar donc s'est chopé le genou directement dans la cage, et il se l'est vraiment pris. En plein dedans, quoi. Il a vraiment bien vendu son genou ensuite en gueulant comme un gros bébé. Ouais, mais d'ailleurs, je veux pas faire trop pointilleux, mais j'ai l'impression que sur le coup de genou, t'as Hunter qui s'enlève, mais 4 ans avant. Oui, mais bon, mais ça se comprend. Hein. Mais d'un côté, je le comprends parce que, enfin, tu vois, imagine-toi 2 secondes coincé entre les cordes et la cage. Ouais, voilà, moi j'aimerais pas me retrouver entre la cage et Brock Lesnar. Et t'as Lesnar qui arrive, genre, pleine puissance, le genou en avant, putain, mais je crois que tu te pisses dessus 4 fois, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est clair que oui, ouais, j'avoue que moi non plus. Hein. Brock Lesnar, j'ai un complexe terrible avec lui, vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'ai une obsession avec ce type. Dès que je le vois, je l'imagine en train de chier. Ouais, mais c'est sa tête, ouais, ça c'est sa tête qui fait ça, mais... J'imagine au show de la WWE, genre laisser un carnage derrière lui, tu vois, genre il y en a sur les murs partout. Tu sais, en train de faire le cri qu'il a fait à WrestleMania, tu sais, le... C'est exactement ça, ouais. Et puis d'avoir une odeur, d'ailleurs, ouais, ses odeurs. Putain. Et ouais, donc tout le monde a bien joué son rôle, Polyman aussi. Vous pensez que Polyman, il est à chier ou quoi? Le match était vraiment très bon, et putain, Brock Lesnar, il est vraiment très très bon, quoi. Brock Lesnar, il a le truc, il est effrayant, et c'est vraiment un bon worker, quoi, la preuve. Vendre un genou comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive aussi bien, et donc... On peut dire ce qu'on veut de Brock Lesnar, le mec est un très très bon catcheur. D'ailleurs, je voulais juste, excuse-moi de te couper, mais faire rendre hommage à je sais plus qui a fait le excellent topic sur le forum sur la voix de Brock Lesnar. Ouais, c'est vrai qu'il a une voix de fille un peu, hein, quand même. Hein. Ouais. Et en gros, je savais plus qui a fait le topic, mais c'est en gros de dire qu'il est très très fort, mais il a une voix de fille. Mais c'est vrai, oui. Voilà, c'est Radio Paradise, mais je sais plus qui c'est. C'est vrai. La personne sur le forum, je sais pas qui c'est, mais voilà. Je sais pas du tout qui c'est non plus. Ah, c'est peut-être. C'est pas Julpi ou. J'aurais dit Ivitri, mais je suis pas sûr. Ouais, ouais, ouais. J'en sais rien du tout. Voilà, bref, petite dédicace. S'il a vendu son genou, Rey Mysterio devrait l'acheter peut-être, non? Ça aiderait. Ah oui, oui, monsieur. Ouais. Elle est pas mal, celle-là. Bon, bref, c'est sur cette merveilleuse blague qu'on va passer à autre chose, je pense. Que. Voilà, on en a fini d'Extreme Rules. Donc. On va passer. C'est enfin fini cette revue de merde qu'on a mis une heure ouais, à faire. Mais moi, ce qui m'a gêné, non, c'est pas fini, parce que je vais dire, moi, ce qui me gêne avec Brock Lesnar, c'est que le mec est tellement bon et tellement crédible que Triple H est vraiment passé pour le catcher, mais alors la caricature du catcher en slip. Comment ça? C'est pas, je sais pas si je me fais comprendre, mais quand t'as Lesnar qui arrive, tu sens que le mec il est là pour frapper l'autre. Il est vraiment, enfin, Lesnar avec son passé de UFC, etc., etc., il est hyper crédible. Alors que Triple H, le mec un peu bedonnant, qui est rempli de d'auto-bronzant et tout ça en slip, un peu obèse. Mais on va dire que ça... c'est pas, c'est beaucoup moins. Enfin, on va dire que sa nouvelle coiffure est horrible et lui donne un côté jobber assez dégueulasse. Mais moi j'aime bien ce côté-là. Justement, quand j'ai un Hunter qui affronte Lesnar, moi j'ai pas envie qu'il ait l'air d'un mec super. Enfin, tu vois, il faut qu'il soit un minimum crédible, mais j'aime bien le côté. Enfin, tu vois, j'essaie de survivre, quoi. Faut vraiment que je m'en sorte, parce que je suis dans la merde. Ah, je trouve qu'avec avec les cheveux courts, il fait genre mec qui est dans son bureau 300 jours par an et qui fait. Mais c'est ça, je crois, le. Je crois que la gimmick, enfin le. Non, mais j'aime pas, je sais pas. Mais il est moins crédible comme ça. C'est l'angle, c'était ça, je crois. Et surtout, ce qui est gênant, c'est que Brock Lesnar, il a le short de UFC, il a les gants qu'il faut, il a le protège-dents, et face à lui, il y a Triple H qui a un slip. Et ouais. Mais moi, ça me... franchement, ça me gêne. Je sais pas, mais je trouve ça bizarre, je trouve pas ça crédible. Du coup, ça me... voilà. J'ai bien aimé le match, mais ça m'a un peu perturbé. Le slip de Triple H m'a perturbé. Il faut que Lesnar affronte Jeff Jarrett dans un MMA Rules, c'est assez exceptionnel. Ça serait pas mal. Donc ouais, je crois qu'on a tout dit sur le pay-per-view, je crois qu'on n'a pas grand-chose à rajouter maintenant, donc on va pouvoir passer enfin à autre chose. On a mis combien de temps là pour la review d'Extreme Rules ? On a mis 1h18. Hein. Ouais, on a beaucoup parlé quand même. Hein, Donc ouais, la news du Raw du lendemain, c'est que Polyman a un nouveau client. Curtis Axel. Donc ouais, voilà. Il y a chier, on n'en parle plus. Donc ouais, voilà, Curtis Axel, qui est Michael McGillicuddy. Donc. Non, je l'ai vu en live à Bercy, alors s'il vous plaît, ne ragez pas. Je sais, je l'ai vu en live. Attention, le mec, il a une barbe et un regard de méchant. Moi, je peux dire que c'est le next big thing, le mec. Hein. Attention. Hein. Donc ouais, Michael McGillicuddy, on lui a donné un nouveau nom, en fait. Il s'appelle Curtis à cause de son père, Kurt Hennig, et Axel à cause de Larry Diax Hennig, qui est son grand-père. Donc. Ouais, mais son père n'est pas patineur. Hein. J'ai même pas compris. Mais, enfin, c'est pas... Il avait trois pères. Donc, ouais, donc voilà. J'ai lu que c'était Polyman qui était venu avec l'idée de ce qui s'appelle Curtis Axel, mais genre 2 minutes avant qu'il fasse son entrée, et que c'est pour ça que sur sa vidéo d'entrée, il y a marqué Kurt Axel, et qu'il est annoncé en tant que Curtis Axel. Enfin, moi, je sais pas, parce que dans son Titantron disait Kurt Axel, mais son graphique disait Curtis Axel. Oui, justement, parce que ça a été modifié. Moi, je pense surtout que c'est la WWE qui s'est rendu compte qu'ils avaient déjà un mec qui s'appelait Kurt. Donc, ils voulaient pas en avoir deux. C'est qui ? Kurt Hawkins. Ok, on le voit pas, on s'en fout. Bah oui, mais voilà. Ils avaient bien John Morrison et John Cena à une époque. Non, mais bon, c'est pas pareil, John. Non, alors, par contre, avant qu'on se mette à chier tous l'un à un, ou alors plutôt communément avec Brock Lesnar. Juste avant qu'on se mette à chier dessus, je tiens à dire que le type... Peut-être, hein, on sait pas encore s'il va réussir, ça m'étonnerait, hein, mais... Il va réussir. S'il réussit, tant mieux pour lui, encore une fois. S'il réussit, tant mieux pour lui, mais je ne pense pas. Ben, seul l'avenir nous le dira. En attendant, on va passer donc à la suite du sommaire. Autre Fed, mais je sais pas de quoi vraiment on peut parler. De rien, on parle de rien, c'est bon. Ouais, t'as raison. On va passer directement à ma chronique. Bah si, que Curtis Axel, ça va sûrement être un bide, et que la raison pour laquelle la moitié du business lui dit que c'est super cool, c'est parce que son père, en vérité, ben, c'était un catcheur, donc du coup, vu qu'il fait partie des, entre guillemets, des privilégiés, tout le monde dit que s'il est trop fort, alors qu'en vérité, on aurait jamais donné sa chance à un autre mec si son père avait pas été une superstar, voilà. Ouais, mais bon... C'est parce que il a une barbe. Ras le cul des fils d'eux. Voilà. Ouais, bah vas-y, Antoine, c'est quoi le truc sur la barbe ? Ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens sur les forums de catch français, enfin de français et peut-être états-uniens, mais je sais pas, je ne traîne que sur les forums français, ont une passion absolue pour le physique et jugent les catcheurs par rapport à leur physique avant même d'avoir vu quoi que ce soit. On a vu, c'est le cas avec John Morrison, qui ont prédit un avenir extraordinaire. John Morrison, c'était le futur Shawn Michaels, je te rappelle. Voilà, on lui prédit un avenir extraordinaire. Seulement à cause de son physique, on ne parlait jamais de son mixing, hein. Seulement à cause de son physique, tout le monde lui prédisait un avenir extraordinaire. C'est pareil pour Ted DiBiase, qu'on trouvait plus charismatique que Cody Rhodes au final, on a bien vu ce qui s'est passé. C'est pareil pour le Shield, les gens trouvent Seth Rollins physiquement plus crédible, peut-être que, enfin mieux que Roman Reigns, alors qu'il est sûrement moins bon. Et ils font pareil avec Curtis Axel. Ils voient un mec qui a une barbe, un regard de méchant et un physique impressionnant. Ils se disent c'est un futur main eventer alors qu'il fera sûrement rien. Parce que c'est une bande de gays refoulés. Bref. Kevin Marshall, on te salue. Voilà. Il va retrouver ton adresse, il va venir t'égorger avec son couteau à saucisson. Il nous invite à ton prochain enterrement. Hein? Tu nous invites à ton prochain enterrement, KM? Et les cercueils seront fournis par Marc Mercier. Ils sont recyclables, hein, parce qu'on va les réutiliser après pour le prochain enterrement qu'il y a encore après. Donc, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons parler donc de moi, de ma chronique. Ils appellent Red Dog Story, je comprends pas pourquoi. On peut se barrer pendant ce temps-là, on est dans un quart d'heure, une minute, c'est ça? Non, c'est vite fait. Que d'ailleurs, maintenant, on devrait renommer The Super Kid Story, parce que je ne suis plus The Red Dog Nelson Pereira, je suis The Super Kid Nelson Pereira. Tu t'appelles The Chronique comme Dr. Dre. Non. Ah oui? Je m'appelle The Super Kid parce que je cherchais une gimmick. Et l'accepté, ça demande sur Facebook. J'aime beaucoup les comic books. Et donc, je me suis dit, je vais baser ma gimmick sur ça. Et donc, voilà, ma gimmick, c'est que je suis un mec qui pense qu'il est un super héros, mais qu'en fait, il n'est pas un super héros et il se fait casser la gueule partout. On avait le même délire. On avait un mec avec la même gimmick. Ah bon? Ah putain, enfin, je te raconte en privé tout à l'heure. Voilà, j'ai volé la gimmick à un français. Et tu sais que ça, c'est une grosse gimmick de bon gros jobber. Oui, non, mais je sais, mais c'est le but, hein, pour l'instant. Tu sais qu'avec ça, tu vas rien faire, quoi. Et il va pas rester comme ça toute sa carrière, il va commencer comme ça. Mais... Et après, comment j'ai construit un personnage crédible après ça? Mais donc, vite fait, donc, voilà. En fait, on va avoir... D'ailleurs, je devrais pas en parler, mais bon, on s'en fout. Allez, vas-y. On dira rien à Fernando et... à Red Eagle. À Julio. Donc, on va avoir un show le 15 juin. Et en fait, on va recevoir pour ce show un catcheur qui vient de la Zero One Hong Kong. Oulala. Qui s'appelle Oolun et qui a catché à la Zero One normale d'ailleurs. Oh, incroyable. Donc, il va venir pour ce show et en fait. Et quand même, la ABC de Béziers a eu Kevin Nash. Hein. Alors. La Zero One, tu peux te la mettre dans le cul quand même. Grâce à mon pognon. Donc, bref, hein, ouais, oui, ouais, mais voilà, bref. Donc, Oolun vient, et en fait, d'habitude, normalement, je voulais être un babyface à la base. Mais en fait, le problème, c'est que Oolun, donc. En fait, tu faisais peur aux enfants, ils ont arrêté. Non, c'est pas ça, c'est que Oolun est chinois, bien sûr, enfin, hongkongais, ça se dit. Hongkongais. Oui, ça se dit. Ouais, donc, hongkongais. Et donc, il parle chinois. Et donc, on veut le faire parler en chinois pour le faire avoir plus de hits. Parce qu'il va être il. Et ils veulent un traducteur. Et comme, sans vouloir me vanter, je suis le meilleur au micro de nous tous. Ça, je te crois, par contre, ouais. Ils vont me foutre en manager de Oolun pour ce show. Donc, voilà, je vais être le manager de Oolun. Et donc, ça va être fun. Et voilà. Donc, je vous raconterai comment ça se passe, mais en tout cas, c'est ça. Ouais, moi, j'ai envie que tu me racontes quand ça se passera. Ouais. Et Romain, ta carrière? Ah bah putain, c'est... Non, je vais pas en parler parce que quand je suis énervé, je me mets à parler de plein de trucs en même temps et il y a des fois, je les regrette, donc je vais rien dire. Pourquoi tu es énervé? Sois cool, on est cool ici. Non, mais quoi, parce qu'il va parler, entre guillemets, de ma carrière. Et là, il y a des raisons de s'énerver. Fais du DDP yoga, il faut... Ouais, mais il y a un mec qui m'a dit ça réellement, en plus, dans ma fac, il m'a dit... Alors, tu connais quelqu'un dans ta fac qui fait du DDP yoga? Non, mais qui fait du tai chi. Ah, même combat. Mais non, apparemment, je suis tendu en ce moment. Bah, tu l'as vu d'ailleurs, Nelson, sur Facebook. Si ça vous intéresse, avant-hier soir, je suis allé me brosser les dents, on allait me coucher, comme tous les soirs. Ouais. Et en fait, apparemment, je suis tellement nerveux et tendu dans tout ce que je fais que j'ai réussi à péter ma brosse à dents en deux quand même. C'est quand même des trucs qui sont faits pour résister super longtemps, ces trucs-là. Je l'ai pété en deux en brossant les dents, quoi. Et je confirme qu'il y a la photo sur son mur Facebook. Donc. Et la batterie de ta voiture, elle est réparée? Ouais, bah là, elle est super. Mais... D'ailleurs, j'ai mon permis. D'ailleurs, j'ai mon permis. Oui, félicitations. Non, mais c'est devenu un podcast, là. C'est devenu tout ça, mon forum spécialement. Je propose qu'on fasse une émission de Here Comes the Pain en direct du terrain de basket sous 40 degrés avec électronique. Exactement, on la fera en août. On met la table au milieu du terrain. Faudrait qu'on aille tous en France. Enfin, faudrait qu'on aille tous en France. Faudrait que j'aille en France et qu'on fasse faudrait qu'on fasse un podcast tous ensemble. Ce serait énorme, on fait un live genre en direct à la FNAC de Montpellier. Ouais, mais toi, t'es toujours vers Montpellier, Fouli, non? Je fais mes études pas à Montpellier, mais là, je suis à Montpellier. Ouais, tu reviens, là. Bah voilà. Non mais on fera un truc là-bas parce qu'au moins comment dire, ça rassemble, c'est la distance la mieux foutue entre le Portugal et l'endroit où il habite Zig et Batman. Et en même temps nous on se déplace pas avec Fouli. Ah c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Franchement je dis Siegfried vient. Montpellier, capitale du Welcome the Pain. Voilà. Je passe sur Montpellier en septembre normalement. J'amènerai mon t-shirt de catch. Fin. Voilà, j'ai un t-shirt jaune et... Donc Donc voilà, pour finir avec ma carrière, on va dire que c'est comme les statuts Facebook sur si t'es en couple ou pas, on va dire qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Maintenant je vais laisser mon micro. Je vais laisser mon micro à Fatman. Oui. Donc allô, tu vas gueuler contre I Will Not Die, parce que je comprends. Alors non mais pas. Attends, avant que tu gueules sur lui, parce que je sais que sur JVC on déteste I Will Not Die et que je sais qu'il nous déteste en retour, y compris moi, je sais pas pourquoi. Mais moi, I Will Not Die, c'est G. Morrison. Voilà, je suis un des seuls. Attends, je suis un des seuls. Ça te dit, ça me dirait éjaculé, putain. À l'avoir vu en vrai. Je l'ai vu en vrai, moi aussi. Voilà, mais je suis un des seuls à l'avoir vu en vrai, avoir fait plusieurs shows avec lui et tout. Si t'écoutes ce truc, Jimmy, je sais pas pourquoi, si tu me chies dessus parce que je fais partie de JVC, mais je n'ai rien contre toi, d'accord ? Moi, j'ai vu Righteous the Rock, en vrai, je lui ai serré la main. La main qui s'est branlée, j'encule ma sœur et on en a parlé à Dana. J'ai rien contre lui personnellement, hein, je veux dire. J'ai absolument rien contre lui. Moi d'ailleurs. Ouais non, vas-y, vas-y. Moi et I Will Not Die, on se parle souvent sur Twitter. Parce que il me follow sur Twitter, je le follow sur Twitter. Ça c'est vraiment pédé. Et on et on s'engueule, et enfin, je suis rarement d'accord avec lui. D'ailleurs sur sa page Facebook, on s'engueulait tout le temps. Et souvent il dit des trucs, d'ailleurs il a des opinions politiques très intéressantes, mais ça je vais pas en parler ici. Mais... Et il est à fond à droite, c'est ça? Beaucoup, très, énormément. Et donc voilà, je suis pas du... il y a beaucoup de trucs dont je suis pas du tout d'accord avec lui, Kitty. Mais voilà, j'ai rien contre lui, quand on parle d'autre chose, c'est quelqu'un de très cordiable, il est sympa avec moi, donc aussi. Donc oui, d'ailleurs je vais lui envoyer ça. Ouais, ben voilà, tu lui mettras. Mettra Jimmy, ajoute-moi sur Facebook pour montrer que. Non, je lui enverrai sur Twitter le lien du podcast. Tu peux mon. Attends, ouais, je vais vous lire un des statuts de I Will Not Die. Alors, dernier statut en date. Attendez, pour l'instant, je vais aux toilettes, hein. Aucun rapport, mais. Spoiler Raw. Le nouveau Eamon Guy et Joe Hennig. Enfin! 2 points d'exclamation collés. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça va développer son personnage qui n'a jamais décollé. Jeu de mots. Mauvaise nouvelle par contre, il hérite d'un nom pourri. Au lieu de Joe Hennig, son vrai nom, ça sera Curtis Axel. Pour son père Kurt Hennig et son grand-père Larry The Axe Hennig. Il est rien d'intéressant là en fait. Mais en fait, la page Facebook d'A Win Not Die, en fait, c'est pas tellement ce qu'il y a dessus qui me saoule, même si je suis pas d'accord, c'est pas le problème. C'est plus les gens qui postent. Yes, bonjour tout le monde, je suis de retour. Mais genre, il y a un mec qui s'appelle Gaël, je sais pas quoi, c'est le genre de type, t'es genre, t'as l'impression qu'il est impossible, c'est impossible qu'il ait son propre avis. Je sais qui c'est. Putain, mais il est insupportable ce putain de Gus, quoi. Lui, il me gonfle par contre, tu vois. Lui, il me casse les couilles, je le connais pas, mais c'est gratuit, voilà. Fatman, oui. Tu es allé au show de catch, oui, à Bercy. Oui. Notre ami Awin Nada, il a posté ici un statut en relation avec cet événement. Exactement. Alors merci de cette transition admirable, car je voulais en parler. Parce que je voulais passer à un coup de gueule contre tous les smarqueux de Bercy, qui se permettaient de passer des heures, parce que c'était vraiment des heures à critiquer ce qu'ils avaient vu à Bercy, et le pire, de tenter de convaincre tout le monde que c'était de la merde. En fait, et c'est assez paradoxal, parce que c'est comme si le fait qu'ils ne s'étaient pas amusés. En fait, ils ne sont pas amusés parce qu'ils sont complètement enfermés dans leur délire élitiste, et du coup, pour eux, ça leur donne le droit de nous casser les couilles à longueur de journée en disant ce show c'est de la merde, ce show c'est de la merde, etc., etc. Alors, déjà, pour beaucoup, moi je pense qu'ils sont représentatifs de ce que j'appelle le syndrome du premier rang, c'est-à-dire à savoir les gars qui campent devant leurs ordinateurs 24 heures à l'avance avant l'ouverture de la billetterie, qui se ruent sur les places du carré or, et que les mecs sont juste devant le ring, d'accord ? Et du coup, ils ne voient rien du tout de ce qui se passe. Dans le reste, ils savent pas ce qui se passe dans le gradin, ils savent pas ce qui se passe tout en haut dans les balcons, pour la simple et bonne raison qu'ils passent, en plus de pas regarder derrière eux, ils passent leur show à balancer des chants à la con pour se plaindre ensuite que personne ne les reprend. Pas d'accord. Alors ça, j'ai un super message de Kevin 95 sur JVC. Hein, je cite. Hein. J'ai essayé de me mettre le ton en accord avec, je pense, le personnage. Alors, l'ambiance était nulle. Avec des potes, on essayait de chanter le thème de Fandango, mais personne ne le connaissait à part quelques-uns. Point d'exclamation. Il y avait que des enfants. Les chants, c'était Let's Go Sina, Sina Sucks, Feed Me More, Yes Yes Yes et quelques noms de catchers. Et quand la table s'est cassée, j'ai essayé de lancer un chant ECW, mais personne n'a suivi. C'est ridicule. C'est pire que ridicule, c'est scandaleux. Par contre, objection, la plupart des shows VVO auxquels j'ai été, j'étais toujours premier rang, j'ai jamais eu une attitude comme ça. Pour le... Ah, mais j'ai pas dit que tous les gens qui étaient au premier rang avaient le syndrome du premier rang, j'ai dit que beaucoup se marquaient au premier rang. Il y a une belle photo, de Electronic avec une pancarte pour le Miz où il a une tête qu'il a l'air complètement défoncée. Voilà, juste pour... Ouais. Moi j'ai touché la main à Nikki Bella. Voilà. En même temps, j'étais claqué, hein, je venais de me taper plus de 6 heures de route donc. Donc ouais, mais t'as l'air complètement défoncé hein, sur la... Alors ouais. D'ailleurs, je vais relater un petit message du Giz qu'il a posté en direct de Bercy. Donc, tu l'as dit avec un accent mon pote. Donc il était dans la salle avec son téléphone, il a envoyé un tweet qui est le suivant. Tweet en live de Bercy, pour bien montrer qu'il est en live à Bercy. On se fait chier grave en majuscule. Alors ce message qui est conclu par un point montre-t-il un signe d'exaspération du Giz par rapport à cette situation? Ou alors un coup de gueule général contre le monde du catch. Non mais c'est un con, franchement c'est un con le mec. C'est ahurissant. C'est que le mec, s'il pensait qu'il n'y avait pas d'ambiance, mais je l'invite soit à aller faire un tour chez l'ORL ou je sais pas, parce que moi, je suis ressorti de Bercy, je vais mal à l'oreille gauche. Parce que l'ambiance, il y avait une super ambiance. Alors déjà peut-être qu'il peut, lui comme d'autres, hein, il se plaint qu'il n'y ait que des enfants, mais alors moi excusez-moi, mais je préfère, ça va faire un peu pédophile, mais moi je préfère qu'il y ait des enfants. Je préfère qu'il y ait un public d'enfants qu'un public de gros attardés de 37 ans dégueulasses qui font que chanter le thème de Fandango comme des connards et tout ça en se plaignant après que personne ne reprenne. Le 4, ça touche plus ses enfants? Eh ben oui, il faut toucher les enfants. Tout à fait. Dans le cadre du catch, voilà. Non mais c'est chiant parce que c'est que des gens. Puis en plus, ils n'arrêtent pas de dire ouais, là où on était, on essayait de lancer des chants et tout ça. Mais je sais pas, moi j'étais dans la catégorie normale, je sais pas, la catégorie prolo, quoi, le truc de base, quoi. Prolo. Mais non, mais les places de base, quoi. C'est-à-dire pas en haut, pas en bas, place de base, quoi. Et bah, tout le monde était debout du début à la fin, et tout le monde a adoré, et à la sortie, tout le monde avait un sourire. Voilà. Quand il dit qu'il n'y a pas d'ambiance, à mon avis, il dit pas qu'il n'y a pas d'ambiance, qu'il n'y a pas de bruit. Mais il dit qu'il n'y a pas d'ambiance, que. Parce que lui, en fait, ce qu'il veut, ce que je pense, hein. Jimmy, encore, je mets pas des mots dans ta bouche, j'en sais rien, mais c'est ce que tu postes et de ce que j'ai l'air. Ne mets rien dans sa bouche. Ah, il peut mettre autre chose, hein, mais. De ce que je te lis et de ce que j'ai l'air de te connaître plus ou moins, en fait, ce qu'il a envie, c'est qu'en fait, il veut un truc genre Ring of Honor. Il veut. Non, mais comme s'il allait vraiment écouter ça, mec. Tu te rends compte qu'il va jamais écouter ça, c'est pas la peine de. Je vais lui envoyer moi-même. Surtout, c'est fait partie de ces genres de personnes qui veulent lancer des chants à la con, genre You Fucked Up, machin, mais ça a aucun sens quand t'as la WWE, quand t'as un Oso en France, putain. Les gens qui regardent du catch sur NT1, ils vont pas balancer des chants qui avaient à l'OCW ou je sais pas quoi, c'est complètement con. Non, lancer un chant c'est bien, mais après ça dépend lequel, quoi. Et Fanman, je parie que quand il va écouter ce que t'as dit, il va poster un message à ton adresse sur le Facebook. Tu vas voir le spotlight. Et ben, qu'ils viennent, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, mais là c'était un gros connard. C'est voilà, mais il y a deux points. Comment on peut aimer à Will Not Die, tout simplement? Bah, voilà. Il est sympa, mais il est sympa dans l'absolu, mais il a des réflexions, de temps en temps, c'est vrai qu'il a des réflexions connes, et là, c'est vrai que là, à Bercy, là, on a atteint un sommet de conneries assez exceptionnel. Il est puant, quand même, non, il est malsain, le mec. Il est pas sympathique, il est con, point. Un mec sympa, c'est pas ça, un mec sympa, non. En vrai, moi, je l'avais trouvé sympa, mais... Non, mais il est cool, il est dans son délire, je suis le plus grand fan du catch du monde, c'est un peu, voilà. Peut-être qu'en vrai, il est sympa. L'image qu'il donne sur Internet est méprisante et puante, quoi. Peut-être qu'en vrai, il est sympa. À combien vous mettez à Will Not Die sur l'échelle Jean-François Copé de la sympathie? 150. Alors là, sur ce cas-là, un mec, il est... Ouais, mais sur Internet ou en vrai? Sur Discopé. Sur Internet ou en vrai, du coup? Je sais pas, je le connais pas en vrai. Ouais, c'est ça le problème. Mais sur Internet, c'est vrai qu'il est fou. Si disons, plus tu t'approches de Copé, plus t'es vers 10, c'est vrai que, ouais... Moi, franchement, je le trouve pas antipathique. Hein. Je suis juste pas d'accord avec... 98,9% de ce qu'il dit, mais sinon il est pas. Non mais il est sympa, mais lui, comme à tous ceux qui ont fait ce truc, j'ai un conseil pour eux. Jimmy, si tu m'écoutes, j'ai un conseil pour toi. La prochaine fois qu'il y a un show en France, tu t'abstiens, tu ne viens pas. Tu t'es réuni avec tes potes smarqueux pour regarder la compilation DVD de l'Ératitude ou je sais pas quoi. Et tu laisses la place à des gens qui pourront venir au premier rang, qui ne seront pas des névrosés et qui ne viendront pas dégueuler leur venin sur tout Internet, au moins de paix de travers. D'accord ? Attention, et en plus, t'as pas su en plus apprécier le fait qu'on ait quand même une top star à ce show, qui était très très rare d'avant en France. On a eu quand même, face à William Regal, Michael McGillicuddy. Et à ce qui paraît, ce match, il a vraiment craché sur ce match. Hein. À ce que j'ai compris, McGillicuddy s'est projeté dans les corps pendant 20 minutes et il n'y a rien eu. Ouais, c'était du comedy match, les enfants étaient en... Je parle que des enfants. Ne t'attire pas. C'est beaucoup les enfants, en fait. Tout le monde était content, mais c'était, c'est évidemment que c'était ridicule, mais c'était super sympa, tout le monde était content. T'avais les mecs comme moi, on était super contents parce qu'il y avait Regal. Alors du coup, moi aussi, j'ai fait mon smarqueux, je l'ai applaudi. Hein. Tu voyais, tu as-tu remarqué déjà tous les connards comme moi, tu les voyais ceux qui étaient debout, qui faisaient « Ouais, bravo Regal » et tout ça, on applaudissait comme ça. Les enfants étaient super contents, les parents étaient super contents, mec Guillicotti faisait le guignol dans les cornes, mais voilà, c'était sympa. C'était marrant, tu peux pas non plus demander à chaque fois des 5-star matchs, tous les matchs, hein, autre chose, je veux dire. Ouais, oui, c'est clair. La dernière personne qui s'est attiré les foudres du Giz n'est plus là pour en parler. C'est qui? D'accord. Non, putain, attention. Dave. Quoi? Quoi, Dave? Pourquoi Dave? Non, je sais pas, je viens de penser à Dave, parce que Dave et How Will Not Die, c'était une histoire d'amour aussi. En même temps, Dave, c'est comme Simon, il s'attire les foudres de tout le monde. Donc, Dave, tu me manques. Pareil, Dave, tu me manques aussi. C'est un vrai paratonnerre, ce Dave. Dave, j'ai envie de re-entendre ta voix. Pour rigoler un bon. Ça, sa voix était excellente. Ouais, putain, il manque. Donc voilà, et nous, on peut parler de quoi encore? Vous avez parlé de des choses? On peut parler de la météo, parce que là, on est quand même. Non, j'ai pas envie qu'on parle de la météo. On est quand même le 24 mai, le 24 mai, j'ai mon radiateur électrique à côté de moi. Laisse Monaco qui vient de signer. Non, putain, pitié, pas Monaco. On peut dire que la TN, c'est de la merde. Non, il y a retour de chez Monaco. C'était génial. Donc voilà, donc je pense que... Ferme ta gueule. Donc je pense que notre podcast est fini, parce qu'on n'a rien d'autre à dire. Et il y a surtout le retour de Gunner avec une barbe. Oui, la barbe, elle est belle. Bref, merci Siegfried. Merci Nelson. Je t'aime. Moi aussi. Fatman, merci. Salut. Je t'aime aussi. Merci. Foulim, merci. Est-ce que tu aimes le J plus que moi? Dis-le. Non. Nelson, il aime tout le monde. Oui, je vous aime tous. Je vous roule tous des pelles. Ah bah putain. Merci à vous sur jeuxvideo.com. Attends, j'ai juste une question, s'ils nous écoutent. De tous les surnoms qu'on peut trouver, pourquoi avoir pris le synonyme anglais de éjaculer? il faut qu'on m'explique. Il manque un Z. De tous les surnoms classe que tu peux trouver, pourquoi il a choisi l'éjaculateur? Alors, je lui demande, pourquoi l'éjaculation? Mais je pense qu'il y a un délire avec un catcheur qu'il a rencontré ou je sais plus quoi. Non, je crois que c'est The Miz en fait. C'est The Miz et il s'appelle Jimmy, donc c'est The Giz. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Je crois. Bref, donc n'oubliez pas, vous qui écoutez ce podcast sur jeuxvideo.com ou ailleurs, http.podcast. Non, c'est pas ça. Si on voit le mauvais mail, espèce de gros truc. Merde, c'est quoi alors? Je ne sais pas. Écoutez-moi bien, je vais épeler. C'est H comme Hector. C comme Caroline, T comme Tom, non, attends, je refais, H comme Hector, C comme Caroline, T comme Tom, P comme Patrice, point, C comme Caroline, O comme Ondine, N comme Norbert, T comme Tom, A comme Antoine, C comme Caroline, T comme Tom, @ @ G comme Gaston, M comme Mathilde, A comme Ambre, I comme Irène, L comme Laurent, point, C comme Caroline, O comme Ondine, M comme Mathilde. T'as déjà dit Ondine. Et en gros, c'est quoi? Tout ensemble, c'est quoi? http.contact@gmail.com. Et sur Twitter, moi, c'est @NelPereira, hashtag HTTP. Et donc, merci Romain aussi, j'ai oublié de te dire au revoir. Donc... Ouais, mais bah d'ailleurs, allez sur catch-news avec un z.com, on a des tas de vues, on fait du pognon, tu vois ce que je veux dire. Vous avez le swag. C'est ça. Et nous aussi, on a le swag, et on vous dit au revoir. Les mecs, on va essayer d'avoir coup de jam. On n'a pas fait on va essayer d'avoir coup de jam pour la prochaine. Ouais, on essaiera d'avoir coup de jam, et d'ailleurs, je vous foute sa musique en fin d'émission. Ah putain, la honte. Bonne nuit, je vous aime. shérif en ville se balade. Te fais pas de pile, écoute mon son, ma balade. Les MC qui me soutiennent veulent que je les remercie. Sans faire de peine, je vous dois rien, vous êtes déjà parti. T'es hors sujet, porte doudoune en juillet. T'as les poils de la foufoune qui dépassent du corset. Si tout comme moi, tu viens de la dash, viens de la casse pour tes projets, je te dis merde et remerdasse. On parle beaucoup, raconte des merdes dans nos textes. Puis tout à coup, le verbe arrive comme un sexe in your face. Je prends de la graine comme la bœuf sur ta fenêtre. C'est une migraine assurée si tu écoutes mon mal-être.